Gérard de Suresnes vient de nous rejoindre. Salut GG, en pleine forme. Salut Max. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? J'ai rien dit moi. Si, t'as senti comme si ça sentait pas bon. Ah non, bien au contraire. Une brise de fraîcheur de la mer vient de m'arriver là, c'est un bonheur. N'importe quoi. Ça sent l'alluvion. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Rien. Eh ben super. T'as bien fait de passer, super. Non, mais c'est vraiment des cons. Bon, par contre, il y a un petit truc qu'il faudrait qu'on règle là. T'as le début de l'émission? Ouais. Tu peux me repasser le début de l'émission qu'on puisse régler les comptes en direct? Mais tu préfères te caresser le matin ou le soir? Non. Oh, toi, tu fermes ta gueule là-bas. Ouais, on fait les comptes. Non, non, mais moi, je veux régler mes comptes en direct. Tu me repasses le début de l'émission. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui a été non, dit? Non, non, mais vis-à-vis de d'Anka, parce qu'il y a des trucs. Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs qui ont été dit que j'ai pas tellement apprécié. Qu'est-ce qui a été dit? C'est vrai, il y a des trucs qui ont été dit. Vous êtes bien d'accord que je suis angélique et que je ne parle jamais, quand même. Moi, je veux que le début de l'émission soit repassé. Et là, tu vas dire si c'est toi ou pas, c'est tout. Si c'est qui? De manière, t'as été dire un truc sur Sandy, alors que c'est faux. Ouais. Non, donc, t'es pas sûr de faire les débats de la semaine prochaine, toi. Ouais. Ceux qui Sandy, tu te fous de ma gueule ou tu prends le train, là? Ouais. Je prends le train, alors. T'as dit une histoire? Ouais. T'as des boutons d'accès dans le cul, c'est ça, des trucs comme ça? Ouais. C'est Anka qui a dit ça. Ouais, non, mais tu me repasses le départ. Le problème, c'est que tu veux écouter encore en digital ou en numérique? Non, mais tu passes comme tu veux, mais qu'on se mette bien d'accord, et c'est tout. Parce que là, il y a des trucs que... Mais tu l'as fait ou pas? Non, mais faut respecter... Attends, tu me laisses parler un peu, tu te crois où? Pour l'instant, t'as des lignes qui sonnent, tu réponds aux auditeurs, d'accord? Voilà, mais il n'y a pas besoin de réécouter, c'est bel et bien Anka qui l'a fait, je te le confirme, Gérard. D'ailleurs, ça m'a pas tellement plu, j'ai pas voulu relever ça sur le moment, mais je trouve ça un petit peu inadmissible. Donc, moi, c'est simple. Si ça continue, ben... C'est simple. C'est très simple. Ça va aller vite fait, moi. Hein. Non, parce que c'est pas parce que il y a son mec là qui est là que tout à l'heure, il m'a dit ouais, de toute manière, tu fais rien à NK. Donc moi, de toute manière, je devrais pas la main sur elle. Donc de toute manière, avec qu'une chose. Non, mais attends, toi, tu t'écrases, tu t'occupes de ton standard, d'accord? Laisse-le parler, attends, NK, un peu de respect pour Gérard. Déjà, tu viens d'arriver. Gérard, ça fait 5 ans qu'il fait de la radio, il sait mieux que toi. Hein, tu t'amuses à dire des trucs sur Sandy qui sont faux, donc tu te démerdes et tu t'excuses. Justement, j'ai dit qu'il fallait vérifier, tu vois. Non, mais alors tu t'excuses auprès d'elle, elle est en train d'enregistrer. Si on veut, on l'appelle en direct. Non, on veut pas. Si on veut pas. On va l'appeler en direct. Ah non, on veut pas. Non, on veut pas. Toi, Fildar, tu fermes ta gueule, d'accord? C'est pas toi qui commande. Il y a du monde dans le studio, ou pas? Toi, ton défi. On va voter, voilà. Ouais, ben ils vont voter quoi? Ben regarde, ils vont voter, c'est les auditeurs pour eux qui comptent le plus. Gérard, sérieusement, donc l'incident est clos. Non, mais moi, l'incident, maintenant, faut qu'elle s'excuse. Je m'excuse. Non. Officiellement. Bah, attends, je m'excuse. Laisse-moi m'excuser. Je ne redirai plus jamais que Sandy a des gros boutons blancs sur les fesses parce que je n'ai pas vérifié moi-même. Et même si ça se fait, ça se dit pas. Manu, s'il te plaît. Non, on n'a pas le temps d'appeler parce qu'il va y avoir le hit parade et quand même. Non, mais vite fait, deux minutes. Mais pourquoi faire? Pourquoi nous couper? Non, mais qu'elle s'excuse auprès d'elle en direct et c'est tout. Mais il n'y a pas de problème. Tu peux remettre l'enregistrement, ça le faire. Hein. Qu'elle s'excuse avec ta princesse au bout du fil ou qu'elle le fasse comme ça avec l'autre à l'écoute, c'est pareil. C'est exactement non, mais même, de toute manière, il faut respecter quand même la vie privée des gens. La vie privée, c'est la vie prisée. Moi, de toute manière, ce qui se passe avec Anka et Marco, c'est que je dis rien. C'est vrai. Donc, dans ce cas-là, qu'elle me laisse tranquille avec Sandy. Okay. D'accord, on y va. Non, mais t'amuses pas à faire des faux numéros, Manu, bon, s'il te plaît. Chut. Si t'écoutes, Bibi, décroche. Bah, mon ami, vous ne l'appelez pas, vous faites un faux numéro. Confirme que tu es majeur. Mais non, mais allez. Hey, oh, Manu, s'il te plaît. Ça suffit, terminé. Allez, arrêtez vos conneries. Ramène de l'argent dans le ménage. Mais arrêtez vos conneries, je viens de l'appeler. Je viens de l'appeler, c'est tout. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Ah, oh ! Eh ben, c'est des faux numéros. C'est des faux numéros. Moi, je pense que Manu devrait s'excuser tout de suite auprès de Sandy à cause de cette blague. Non, non, mais ça... Non, franchement, je pense. Non, non, mais... C'était pas très cool, c'était pas respecté. C'était du non-respect de la vie privée de Sandy, elle fait ce qu'elle veut. On va faire un break dans le 15e. Bon, le prochain qui s'amuse à dire ça, arrête. Toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Non, non, mais ça, c'est ton numéro. Nous vous remercions de renouveler votre appel ultérieurement. Ça, c'est ton numéro. Je suis désolé, c'est pas Bonjour. Du tout... Ah. Toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Nous vous remercions de renouveler votre appel ultérieurement. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie une dernière fois ou pas? Non, non, mais de manière... Ah, attends. Il sait pas faire un numéro, donc c'est moi qui vais le faire. D'accord. Okay. Allez, vas-y. Allez, il y aura un petit peu de retard pour les parades, ne vous inquiétez pas, on va aller jusqu'au bout. Hein. Ah, attention, ça va être... Attention, un moment énorme. Alors, vas-y, GG. Allez. Hop là. T'appuies sur où? Bah, tu fais le numéro. Non, mais donne-lui, explique-lui. T'appuies. Voilà. Vas-y. C'est parti. On appelle. C'est bon. Hop, et tu mets en direct. Voilà, c'est bon. T'as fait le numéro, là? C'est bon, raccroche. Voilà. Bon, vous me laissez parler alors. Hop, hop, hop, touche à rien. Bonjour. Putain. Confirme que tu es majeur en appuyant sur la touche étoile de ton téléphone et appuie pour accéder au réseau des dialogues les plus chauds. Bien. On recommence. Ouais. Allez, on recommence. Attends, faut l'enlever. Allez, on recommence. Non. Tu fais pas le con, s'il te plaît. Vas-y, t'appuies là. Voilà, appuie là. Voilà. Voilà, et tu fais le numéro. Voilà, fais vite, parce que on a plus trop le temps là. Après, donc t'appuies là. Voilà. Non, t'entendras plus. C'est bon. C'est bon, ça marche. Non, voilà. Mais si c'est une connerie... T'inquiète pas. T'inquiète pas, mon poulet. Tu seras avec ça, lui, le responsable. T'as pas l'impression que tu fais quand même un peu chier ton monde pour moi? La ligne de votre correspondant est interrompue. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Putain, Manu! Putain! Mais touche à rien! Mais laisse-le gérer un petit peu, laissez Gérard tranquille! Bon, on rappelle la grosse. Non. Vas-y. Allez. T'es en train de manger des sveltes? C'est cette affaire du Buddy Dream. Voilà, C'est bon, c'est parti. Ben vas-y, Gérard, on sait jamais. Tendu, on t'appelle. Tu vas peut-être pas expliquer comment ça fonctionnait un téléphone. Non, bon, bah, Sandy, si tu nous écoutes. Garde peut-être le petit Henri. Bah allez, Sandy, je te kiffe. Quoi? Garde peut-être le petit Henri? Non, mais t'es taré ou quoi? Ça sert à rien, Gérard, d'appeler depuis ce poste-là. Bon, alors qu'est-ce qu'elle fait? Il a pété les plombs, il va prendre tous les téléphones, l'appeler de tous les téléphones en même temps. Évidemment, ça s'en occupe après. Ah, ça sonne plus, là. Ah là. Putain, j'arrête de faire gaffe à ce que tu viens de dire. Sandy, tu raccroches le téléphone, s'il te plaît. J'essaye de te rappeler dans les deux minutes qui suivent. Ah, merci. C'est qu'elle doit être en ligne, parce que ça sonne, t'as vu? Ça sonne dans le vide, elle décroche. Ouais, mais je viens d'avoir sa messagerie. Ah ouais, c'est pour ça sonne, ouais. Donc, Sandy, dès que t'enregistres le Ricky Larsen, j'essaye de te rappeler tout de suite après. On te rappelle en direct une fois le Ricky Larsen passé. J'ai l'impression que des fois, tu prends la radio pour une cibille. T'es là en train de passer des messages tout le temps. Parce que là, Manu s'amuse à faire des conneries. Ce que tu viens de dire, tu vas t'excuser auprès de Sandy, toi, mais quand tu vas l'avoir au téléphone, d'accord? On va laisser passer le Ricky Larsen et c'est tout. Ah mais c'est tout. T'es arrivé, toi, t'as mis la foudre. Ouais. Hein. Ouais, mais c'est normal. Faut pas rigoler avec la vie privée de Gérard. Ouais, ben surtout toi. Toi, tu es premier de te la fermer, d'accord? Voilà. Les boutons de Manu, ça va, mais les autres, non, il faut pas parler. Un conseil que je te donne, tu feras mieux de t'occuper de ton standard que de t'occuper de la vie de Sandy et de la mienne. Tu le fais tellement bien, Gérard. Et tu t'occupes avec Marco de voir comment que ça se passe. Parce que pour l'instant, tu t'occupes du standard, ça me fait peur parce que ça, c'est ta fiche. C'est ma fiche. Ouais, ben le jeudi, tu travailleras pas comme ça avec moi. Pour l'instant, c'est pas moi qui décide, d'accord? Donc, moi, des numéros de téléphone comme ça sur constamment, ça m'intéresse pas. D'accord. Ok. Donc on va laisser le Ricky Larsen et parce que je crois qu'il avait du courrier à te donner, non? Non, mais j'ai vaguement vu ce que c'était comme courrier. C'est du courrier encore pourri. Et si tu veux, je vais aller le chercher. Et on le prend après le Ricky Larsen. Ah non, mais après le Ricky Larsen, il faut le faire maintenant, tout de suite. Ah bah alors, attends, ils vont aller le chercher. Mais attends, je sais ce qu'il va ramener. L'autre, il va pas ramener la pochette complète. Quoi, mais si, il va tout ramener. Ouais, non, mais. Parce que là, je voulais quand même pousser un coup de gueule et un ultimatum. Non, parce que j'ai vu la pochette du courrier et fais-moi confiance que ça commence à me gonfler. Ça t'a pas fait plaisir? Non, pas du tout. Et tu peux remercier Manu parce que il a réussi à choper un petit jeune qui s'amusait à distribuer des tracks sur les Champs-Élysées, sur le champ de Mars aussi. Hein. Oui. Ah bah tiens, là la grosse pochette. Gros dossier. Ouais, ça c'est le courrier de cette semaine. Non mais moi j'ai dire une chose. Pas un peu plus que moi. Non mais moi je vais te dire une chose, qu'un courrier comme ça m'intéresse pas. Ah, c'est ta meuf qui essaye de nous joindre. Ah d'accord. Non parce qu'elle peut pas. Donc un courrier comme ça, je vais te dire une chose, ça sert à rien. Moi je vais le lire parce que là il y a un nouveau Paris Match, alors je pense que c'est des conneries. Gérard Cousin. Alors, non merci. Bon. Donc, dans ce cas-là, tu continues. Bravo. Bon, alors, Gérard, gagner des millions. Écoutez bien, Sandy, l'amour de la démesure. Alors, donc, il y a un article te concernant. C'est marrant parce que même Grace Kelly, un article sur elle est plus petit que le tien. Donc, on voit ta photo, en gros, dans le Paris Match. Alors, le jeu qui a bouleversé ma vie, c'est Confidence. Ça, ta rencontre avec Jean-Pierre Foucault. Donc, t'en parles apparemment dans ce magazine. La spirale de l'alcool. J'ai tout claqué. Je roule en jag à Sonacotra. Donc le fait que tu sois la spirale de l'alcool, j'ai tout claqué. C'est vrai que t'as rencontré Jean-Pierre Foucault? Ça c'est des conneries de toute manière. Pareil match. Ouais, mais je vais dire une chose, t'as les enveloppes? Non. Donc c'est quelqu'un qui s'amuse à les déposer. Non, c'est sur fax. Internet. Mais même, moi je commence à en avoir plein le cul. Donc le 12, il n'y a pas de débat. Oh, c'est clair. Mais non. C'est clair. Ce soir, toi tu fermes ta gueule, toi, d'accord? C'est lui à chaque fois. Toi tu fermes ta gueule, enculé. Mais je dis rien, moi. Okay. Attends, calme-toi. Parce que toi t'es venu ce soir pour m'acclamer quelque chose. Dans ces cas-là, moi je te le donne pas non plus. Eh ben, dans attends, ce c'est cas-là. Plus facile. Attends, pourquoi tu ne pas faire débat jeudi prochain? Déjà, elle, Anka, s'amuse à insulter Sandy. Mais ça, ta mère, pourquoi? Là, le courrier, tu ne sais pas d'où qui te sort. Je suis d'accord avec tu toi. Tu ne sais pas d'où qui te sort. Ça me fait rire. Non, moi, ça me fait pas rire. Mais écoute, ça te fait marrer. Non, moi, ça me fait pas rire. D'accord. Parce que là, vous jouez avec mon nom. Avec. Mais j'ai pas fait exprès. Non, mais même, je ne veux pas le savoir. Mais je suis un fervent défenseur, je veux te défendre. Toi, ta gueule. Non, mais attends, toi, t'habites plutôt. Ok. Voilà, tiens, pas de problème. Bien fait pour ta gueule. Non, mais attends, Gérard. Parce que là, il y a une chose qu'il faut bien mettre au clair. Maintenant, c'est terminé ce courrier. Oui. Et la peste de babouin, parce que je vois défiler le peste de babouin, le fils de pute, sur l'internet, va arrêter. Ah ben voilà. Il a raison, je suis d'accord avec Gérard. Et toi, tu fermes ta gueule. Je suis d'accord avec toi, Gérard. Ouais, attends, tu fermes ta gueule. Gérard, elle est d'accord avec toi, donc quand on est d'accord avec toi, au moins dis oui. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Elle, pour l'instant, elle a rien à me dire. Bon, d'accord. Moi, je ferme ma gueule maintenant. Voilà, ben ferme-la, justement, ta gueule. Alors, justement, Gérard, tu vas quand même pas faire payer. Fesse de babouin, encule Gérard. Vas-y, continue, fesse de babouin, fils de pute. Mais non, mais c'est bon, Gérard, qui te dit que c'est pas quelqu'un qui s'appelle Fesse de Babouin? Non, mais attends, c'est pour lui. Mais ça, ceux-là, tu sais, c'est lesquels? C'est ceux qu'on a eu l'habitude à Suresnes. Et ils recommencent. Mais non! Donc le Fesse de Babouin, c'est celui qui s'amuse. Mais non, ça n'a rien c'est à voir. C'est celui qui s'est amusé. Mais ça à faire des conneries. Mais non. À faire des conneries sur l'internet. C'est Olivier Delapron qui s'est passé pour Fesse de Babouin. Olivier Delapron, il n'est plus là. Oui, mais de chez lui, sur internet, il s'est passé pour Fesse de Babouin. Non. C'est chaud! Moi, je te dis que non. Donc maintenant, c'est terminé. Mais non, mais tu vas pas quand même dire qu'on va pas faire de débat pour ça, parce qu'il y a trois courriers. Non, mais attends. Tout ça, t'as qu'à lire la pochette. Alors, tu vas voir, là. Quoi? Où? Non, mais attends. Mais non, mais te déplace pas, c'est bon, on va non, lire. Non, mais tu vas voir. Là. Tu vas voir. C'est quoi? Non, regarde. Non. Et tu te fous de ma gueule? Il y a marqué quoi? Il y a marqué GG Courrier, c'est tout? Ouais, mais attends. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Dis-moi, mais marche pas, tu vas te faire mal. Fais gaffe à tout ça, attends, c'est pour le procès. Ça, c'est le même. Non, ça. Bouge pas, même en plus gros. Ça, transport. Ça, tu ça. Peux serrer les bras. Non, mais j'ai vu. Bon, bah alors. Bah alors, on va le lire. Un privé, là, regarde. Ouais, un privé. Un privé qui a été ouvert. Ouais, c'est quoi? Un truc tapé à la machine à écrire, c'est qui? On n'en sait rien. Ouais. Lis-le, Gérard, lis-le. Non, mais calme-toi. Non, mais il n'y a pas de problème, mais calme-toi. Attends, sans déconner, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Je vois pas pourquoi tu... Non, mais attends. Bon. Non, mais attends, parce que c'est bien beau. Parce que là, depuis qu'on est ensemble, à chaque fois, on a des emmerdes. Ok. Attends, tu crois pas que Le courrier, d'habitude, les auditeurs, on envoyait régulièrement. Tu crois que je fais pas du courrier? Moi, je suis pas... Mais là, non. Et moi, je me fais pas insulter aussi sur le magazine Phosphore devant tout le monde. Moi aussi, j'ai les mêmes problèmes que toi. On est tous les deux dans le même bateau. Pudard, tu laisses ça là, non, s'il te plaît. C'est une lettre sympa, écoute. Bonjour Gérard, je m'appelle Albert, j'ai 36 ans, je vous écoute depuis 4 ans. Je trouve que vous avez raison de gueuler contre votre équipe. C'est inadmissible qu'Anka fasse l'amour. Inadmissible, pardon, il y a une faute. Qu'Anka fasse l'amour avec Marco pendant ses heures de travail, le jeudi soir. Manu et Filda rigolent trop de votre intimité avec la charmante Sandy. Je suis routier et j'ai bien aimé votre débat de la rentrée sur ce métier si honorable. Là, il n'y a pas de faute. Nous sommes beaucoup à vous aimer. C'est pour cela qu'avec des amis et des collègues routiers, nous avons monté un fan club. Le fan club Gérard de Fun. Dans nos réunions le samedi soir, nous réécoutons vos débats de jeudi et grâce à des courses de marche à pied et des randonnées pédestres, le dimanche, nous faisons une cagnotte pour vous envoyer des cadeaux. Nous avons déjà récolté 46 francs 20, mais grâce à l'association des bouchers mariniers à la quête de notre temple... J'ai du mal à lire là. Légérémonie. Ouais, bref, de la lune, nous doublerons nos recettes. Salutations à vous, attitré maître du jeudi soir. Alors, c'est Albert. Maître du jeudi soir, Gérard. Eh, c'est pas du courrier sympathique, ça, Gérard? Ça fait plaisir, tu peux remercier quand même. Tu remercies même pas les gens qui t'écrivent du courrier. Mais attends, du courrier comme ça, qu'est-ce que tu veux que je remercie les gens? Bah, remercie les gens qui sont derrière toi, qui te félicitent. Attends, pour l'instant, on sait même pas d'où que ça vient. Mais qu'est-ce que c'est, on sait pas d'où que ça vient. Mais qu'est-ce qu'il y a de pain bœuf, là, du 29. Alors, un autre courrier vite fait, 3 minutes. C'est quoi ça? Là, c'est peut-être un peu vieux, c'est en fait une dépêche à la suite du débat, mais je crois qu'on a peut-être déjà lu ça. Relis-la. À la suite du débat du jeudi 21 septembre 2000 qui portera sur les JO, donc oui, notre ami Gégé déclarera ouvert les Jeux Interfoyers du Bois de Boulogne. Venez nombreux découvrir les nouvelles épreuves que nous a préparées le plus célèbre athlète paralympique de la bande FM, à savoir le 110 mètres haies, le bibiathlon, le lancer de portable, l'équistation, la spéléologie des gros culs, le dérapage artistique en camion et bien d'autres encore. Et ça te fait rire de lire ça à l'antenne? Je dis pas, moi, je rigole pas. Hein. Non, mais ça te fait rire, pauvre trou du cul. Hein. T'es vraiment un petit con. Hein. Bravo! Vous pourrez retrouver votre idole sur le sentier des femmes de Brésil. Arrête, c'est bon. Oh là là. Non, enfin bref. On verra bien si le 12 je serai là, je sais pas. Tu vas pas faire payer, tu vas pas faire payer des millions de gens qui t'écoutent tout ça. Bah, je m'en fous. Attends, c'est comme si moi, parce que le mec du magazine Phosphore, il m'a écrit des conneries, que je vais dire, bon bah voilà, je fais plus d'émission pendant 15 jours. De toute manière, je ferais payer ceux qui s'amusent à dire des conneries sur moi. T'es pro ou t'es pas pro? Eh ouais, je te dis, pour l'instant. Pro, 5 ans. Pour l'instant, j'ai pas dit que j'allais encore arrêter, mais pour l'instant. Mais tu le fais à chaque fois. Non, mais pour l'instant, moi, je te dis. Mais pour moi, pour mon amitié, alors là, moi, je te pour l'instant. Pour l'instant, la pochette, je vais la récupérer. Ah bah non, j'en ai besoin pour mes avocates. Non, pour mes avocates. La pochette, je la récupère. Non, j'en ai besoin. Non, mais moi, la pochette, je vais la récupérer. Fildar, tu laisses ce que t'es en train de plier, là, s'il te plaît. C'est un mail, c'est pas à toi, ok? Ouais, d'accord. La pochette, je vais la récupérer, je vais voir ce que je vais te laisser comme courrier dedans, et après, on verra, on en discutera. Bah, je le donne à Fildar qui va... Non. Merci, Mac. Tu me l'as, Fildar? La pochette, elle s'appelle Gérard, elle s'appelle pas Fildar. Ouais, mais c'est le dossier, c'est grâce à lui que tout ça. Bon, en tout cas, Gérard, nous on te retrouve non pas jeudi là, mais jeudi prochain pour un débat qui va être très sérieux. Donc, qu'est-ce que tu avais dit une fois? D'ailleurs, c'était très joliment dit. S'abstenir, qui ça? De toute manière, ça va être un débat sur les catastrophes, donc les pas sérieux s'abstenir. Donc, comme fesse de babouin, là, qui s'amuse. Mais laisse tomber l'Internet, dis-moi, c'est quoi les catastrophes? C'est-à-dire, on parlera de quoi? Tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'histoire du Concorde, le Carpéry et le truc sur les pêcheurs, là, le truc des pêcheurs qui vient de se produire la nuit dernière. Donc, un dossier très très chaud, et comme tu l'as dit très bien, très joliment dit, Gérard, les pas sérieux s'abstenir. C'est-à-dire, donc, Manu et Anka au standard, un conseil que je vous donne, et ça je le répéterai pas parce que j'en ai marre. Les gens, quand je vous demande de les virer, vous les virez directement et c'est tout.